Hey. Ça t'arrive encore de voir ces moments de nostalgie? Tous ces moments passés ensemble, ces souvenirs. Ça fait partie de moi, c'est gravé en moi. Je pourrais jamais oublier ça. On dit toujours c'était mieux avant. Et maintenant? Te souviens-tu du temps où on visait un autre univers? Voyage à la Gulliver, s'évader avec les frères. Oublier la galère, ne plus être en quête de billets verts. Poser la tête vers le ciel, à refaire le monde, c'est clair. Te souviens-tu du temps à traîner dans ces rues amères? Et cette drôle d'atmosphère qui flotte le soir sous les lampadaires. La vie prend un autre rythme que celle d'une fourmilière. Tu prends à rêver que cette nuit sera la bonne et pas éphémère. Te souviens-tu du temps où rejoindre ses potes c'était sacré? Par tous les temps, peu importe ce qui pouvait se passer. Mieux qu'un sitcom, y'a toujours une histoire à raconter. Je te dis pas tous les journaux de 20h qu'on a raté. Personne ne pourra dire qu'on manquait d'humanité. Le seul mot que je retiens de tout ça, c'est fraternité. Dans ces réunions, les préjugés, tu peux oublier. Mieux qu'un médecin, dans ces moments, tu te sens écouté. Te souviens-tu du temps à traîner le soir tard sans lendemain? C'est notre manière à nous de poser les liens avec les siens. Les liens de la vie sont gravés ici. À oublier les soucis, se balancer la meilleure idée qu'on souhaite de la vie. Après minuit, l'heure soi-disant, tous les chats sont gris. Désolé, mais moi, dans mon quartier, il te sourit. Ah bon? Un temps pour respirer, un temps pour se poser. Attends, ce n'est pas terminé. Te souviens-tu du temps? Te souviens-tu du temps? Te souviens-tu du temps? Te souviens-tu du temps? Te souviens-tu du temps où c'était pas bien méchant de ne pas avoir d'argent, de sortir devant ses potes dans le pire des accoutrements? La bise de la maman valait rien d'autre que des rires, mais rien de très alarmant. En gros, parler du temps, ne plus sentir tu perds ton temps. Tellement t'es bien, t'en oublies même à la fin ce que c'était l'argent. Et pourtant, ce qu'on kiffait tous ces moments passés jusqu'à présent à plusieurs autour d'un banc. Te souviens-tu du temps où on se cassait tous la tête pour pouvoir rentrer en boîte simplement, oui, faire la fête pour faire comme tout le monde, mais bloqué à l'entrée comme la cible à abattre. Y'en a qui revenaient énervés, armés d'une batte. Maintenant que tout le monde a son VIP pass, la bouteille de chance, les paillettes et les strass, l'iPhone en bandoulière, tout le monde dit ça c'est la classe. Je crois qu'on a oublié où on a fait nos classes. Dis-moi ce que ça change, mes meilleurs souvenirs, je les ai passés sur des bancs déglingués, assis sur une barrière ou contre un mur, accoudés à se raconter nos histoires qui rassurent ou pas. C'était l'arrêt de bus du quartier comme toi, la tête dans les nuages, après quelques dérapages. On ne compte même plus son âge, on oublie la guerre qui fait rage. On vit d'amour, de messages, de querelles, d'embrouilles, de fous rires, de pleurs pour l'entourage. Te souviens-tu du temps? Te souviens-tu du temps? Te souviens-tu du temps? Te souviens-tu du temps? Oublie toutes ces images qui défilent bêtement sur ton écran et remémore-toi dès à présent tous ces moments et où on stoppait le temps, où on était vivant. Et je ne regrette rien, mais c'est évident.